tranquilo. Abre los ojos. Clair obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage, en compagnie de moi-même, votre cher serviteur Stéphane, ainsi que de ma collègue Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Comment vas-tu en cette sombre nuit et cette sombre saison ? Un petit peu plus frisquette qu'à l'accoutumée, puisque la saison s'avance effectivement, et qu'après nos collègues d'Underground Zero, eh bien, on est venu vous réchauffer avec du bon son pour continuer la soirée rock sur Rage, mais ce soir ce sera une émission un petit peu dévouée à cette période qu'on traverse, cette période en ce qui me concerne que je trouve bien agréable, l'automne, et on a commencé avec deux morceaux de Splendora, le groupe grunge des années 90, c'est un groupe de nanas qui est connu notamment pour avoir fait la bande originale de la série assez peu conventionnelle Daria, d'ailleurs petit clin d'œil à notre ami de Montpellier qui est particulièrement Dariaophile. Donc Splendora qui avait fait ces deux titres qui ont fait des génériques de ce fameux dessin animé assez impertinent, avec les morceaux, non pas un mais deux morceaux pour ouvrir cette émission ce soir, Turn the Sun Down, car vous l'aurez remarqué bien entendu, les journées se font de plus en plus courtes, ainsi que du morceau College Try Gives Me Blisters, littéralement ce qui signifie l'université me donne des boutons. Voilà, un petit clin d'œil. C'est loin non pourtant. T'es gonflé, mais un petit clin d'œil à nos collègues, à nos auditeurs étudiants qui ont repris la fac depuis un mois et qui en ont déjà plein le cul. Bon courage, ainsi qu'à tous les autres, bien entendu. Mais toi, tu nous emmènes, pour continuer cette playlist, vers une chanteuse qui a pris carrément pour pseudonyme le nom de cette saison, ma saison préférée. En effet, une chanteuse relativement barrée, une chanteuse qui a son propre univers complètement coloré et à la fois très gothique. J'ai nommé la très célèbre et assez bizarre Emily Autumn. Donc justement pour cette thématique ce soir sur l'automne, elle était fort évidemment toute convenue qu'on écoute ce soir avec nous. Ce soir, cette nana, alors je ne sais pas si vous la connaissez, je sais que toi tu connais Stéphane, mais je sais que beaucoup d'auditeurs ne la connaissent pas, ou alors elles ont une image un petit peu bizarre, parce qu'elle a quand même commencé avec dans le groupe de Courtney Love, elle a quand même une sacrée histoire, elle est violoniste, elle fait du piano, elle est habillée en rose et à la fois très gothique, elle a son propre label, enfin elle est vraiment, c'est une nana, j'aimerais en voir plus souvent des comme ça. Bah, quand je l'ai découvert, pour être honnête avec toi, je me suis aperçu que je connaissais certains riffs de ses morceaux avant de la connaître elle. Donc à mon avis, tout le monde la connaît, mais à son insu. En tout cas, ce soir, on vous convie à découvrir l'œuvre ou une partie de l'œuvre de la célèbre Emily Autumn, qui nous sort quand même pratiquement un album par an depuis plus d'une dizaine d'années, donc c'est quand même une belle performance. Elle fait toujours aussi jeune sur les photos, c'est pas juste, mais... En attendant, ce soir, This is the New Live, c'est ce soir, c'est dans Clair Obscur. À l'instant, la talentueuse mais barrée américaine Emily Houghton avec le morceau « Dead is the New Alive », un mélange électro, victorian électro, comme elle-même le dit si souvent, issu d'un de ses albums, nombreux albums, nommé celui-là Ophéliac. Et c'était sorti en 2005, 2006 ? 2006. Autant pour moi, 2006. Justement, tout à l'heure, je parlais des riffs qu'on connaît sans forcément connaître Emily Houghton. Mais moi, tu vois, c'est en réécoutant ce morceau que je me suis aperçu que j'avais entendu est-ce qu'on peut dire riff pour du violon ? C'est pas sûr. Mais bon, ce petit thème, ce petit gimmick d'introduction, j'avais déjà entendu plusieurs reprises avant de découvrir cette chanteuse-là. En même temps, vu comme elle en joue et que des fois, elle les maltraite, les violons, on n'est pas loin du riff. Mais un peu comme la chanteuse de ce groupe de Floride, The Crux Shadow, elle a un violon électrique aussi c'est pas Catherine Lara, évidemment, personne n'arrive au niveau de Catherine Lara, mais il y a une belle tentative, n'est-ce pas, mais c'est vrai qu'elle a une tendance à un petit peu comme Babette aussi de Dionysos à maltraiter son violon de manière très rock'n'roll, et ça donne que du bonheur. En tout cas, le budget violon doit pas être triste, parce que si c'est un par soirée, un violon ou un jeu de cordes, va savoir. Mais nous, on va continuer avec des gens un petit peu plus calmes et des gens un petit peu proches de nous, avec un groupe qui me... un groupe qui me tient à cœur et qui groove pas tant que ça, mais qui a quand même des qualités musicales indéniables. Il s'agit de Collection Darnell Andrea, le groupe de Chloé Saint-Liffard et de Jean-Christophe Darnell, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce groupe qui a sorti un premier album en 1988, qui a été réédité grâce au label Precoce Novenier il y a quelques années, et un album qui colle bien à la thématique de ce soir, puisqu'il s'appelle Un automne à Leroy. Alors évidemment, c'est toujours ces titres un peu hiératiques, ces ambiances un petit peu froides, évidemment, ça colle bien au style La Cold Wave, dans lesquels s'illustrent Jean-Christophe Darnell et ses acolytes. Et moi, je propose d'écouter le morceau d'introduction de cet album, Un automne à Leroy, avec le titre À l'aurore assassine. Thank you. plan. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. à l'instant de Frozen Autumn avec le morceau... Attendez que je me trompe pas, voilà, Frozen Hearts, Fiance Minded. J'avais pas envie de le massacrer, je l'ai massacré un petit peu, mais c'est pour nous faire penser à cette belle saison qu'est l'automne. Je trouvais que ça illustrait très bien les choses avec le froid et le petit côté esprit glacé fin d'été. Et c'était enchaîné juste avant avec Collection d'Arnel Andrea et le morceau À l'aurore assassine qui était tiré de l'album Un automne à Leroy sorti en 1988. Quelques synthés un peu plus anciens que ceux qu'on vient d'écouter avec The Frozen Autumn qui eux sont un groupe darkwave qui a éclos dans les années 90. Oui, groupe italien qui nous a ravis justement avec cet album là qui se nomme, alors attention que je ne vous le massacre pas non plus, Screening Device qui date de 92, donc c'est pas tout jeune non plus. Voilà, mais tu nous ramènes vers des choses un petit peu plus récentes avec le prochain morceau, le prochain groupe, Project Pitchfork. Project Pitchfork, avec l'album se nomme The Entities, il est aussi de 92, décidément je fais dans la cuvée, cuvée 92 qui ma foi n'est pas mauvaise. Nostalgie avec, quand tu nous tiens. Tout à fait, mais c'est comme le bon vin, hein, en vieillissant c'est toujours meilleur. Par contre là, Scooty, on part du côté de l'Allemagne avec ce groupe de Hambourg, qui est un groupe relativement connu mais à la fois très discret. Et j'ai trouvé, voilà, pour la thématique automne, le son du vent, qui est le nom du morceau, nous rappeler, je me suis demandé s'il ne nous l'avait pas fait dans le midi, parce qu'avec le Mistral et ce cher vent qui nous glace les os dès qu'il fait un petit peu moins beau, on s'y retrouve, hein, bizarrement. Et qui nous décoiffe aussi. Ça aussi, tu l'as dit. De toute façon, on peut mettre ce qu'on veut sur le dos. Je crois qu'ils nous l'ont créé pour nous, parce qu'il fait toujours froid. Bienvenue dans le midi. The Son of the Wind, je vous avouez-moi que vous y êtes cru, on y était, hein, un petit coup de vent, un petit coup de mistral. Et même si certains me disent qu'il fait encore un petit peu trop chaud pour se croire totalement en automne, je suis sûre que vous êtes allé vous chercher une petite veste pendant le morceau parce que vous avez dû vous geler un petit peu les miches. Avouez, hein. En tout cas, il fait pas très beau, l'automne est là, l'hiver est, l'été est là, est fini, pardon, je suis fatiguée, moi, mais j'ai des journées de fou au boulot, ça n'empêche pas que l'automne, c'est une magnifique saison, et je sais que c'est une saison qui est très chère à Stéphane. N'est-ce pas? Et alors, pour continuer un petit peu dans cette thématique de ce soir, thématique qui est consacrée à l'automne, une période qui me plaît pour ma part, puisque les crocus éclosent sur les pelouses, les colchiques aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Les journées se font assez douces et en tout cas, moi, c'est une période qui me plaît bien, donc j'avais envie d'y consacrer une playlist de Clair Obscur un de ces soirs. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes bien sur Rage dans Clair Obscur pour la soirée rock. Vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, sinon vous nous écoutez sur le www.rage.fr et vous y êtes très bien. Vous pouvez rejoindre Nathalie sur la chatbox parce que ça y est, on a de nouveau internet dans le studio. La chatbox, vous pouvez la retrouver sur le MySpace de l'émission www.myspace.com/clairobscur_rage. Vous tapez Clair Obscur Facebook dans un moteur de recherche, vous tomberez aussi sur le groupe même de l'émission. Clair Obscur chatbox, voilà, ça marche, c'est toujours beau la technologie. Vous avez vu ça? Non seulement c'est une nana, mais en plus c'est une geek. Dès qu'on parle d'internet ou de technologie, il faut absolument qu'elle ait le dernier mot. Je cumule, je sais, nana, geek. Décidément, tu as tous les défauts, c'est pour ça que je t'aime bien. Et pourtant, c'est moi qui vais me coller à la présentation du prochain morceau, puisque c'est moi qui le ramène. Un groupe que j'avais envie de vous passer depuis longtemps. Un groupe qui peut sembler un peu avoir... Qui suis fatiguée, ça de me prime rassure. Abord, non, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver mes mots quand il s'agit de parler de ce groupe-là. En l'occurrence, Autumn's Grey Solace, puisqu'il s'agit d'un groupe de shoegaze. Alors, shoegaze, c'est ce genre de style musical très planant, avec des nappes de synthé ou des rythmiques de guitare très douce, très tranquille. C'est d'un côté, alors les mauvaises langues diront que c'est du lounge pour les gothiques, pourquoi pas après tout, mais c'est vrai que d'un morceau à l'autre, d'un album à l'autre, on a un petit peu l'impression d'entendre toujours la même chose, moi le premier, même si c'est un style auquel j'accroche vraiment, parce qu'il y a toujours 3 tonnes de reverb sur la voix, parce qu'il y a toujours un petit peu les mêmes nappes de synthé, et ces ambiances très douces, et en l'occurrence, le nom du groupe le laisse entendre, des ambiances parfois automnales, pour ce groupe américain qui vient de Floride et qui avec cet album avec lequel je les ai découverts, Riverine, qui était sorti en 2005, moi j'ai envie de vous enchanter avec un extrait de cet album là, en l'occurrence puisque les journées se font plus courtes et que le soleil s'en va de plus en plus tôt, je trouvais que le morceau le plus approprié s'appelait Eclipse. Thank you. Le pré est vénéneux mais joli en automne. Les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Le colchic, couleur de cerne et de lilas, y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtre comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles, et sont couleur de tes paupières, qui battent comme les fleurs battent au vent dément. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que lentes et meuglants, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne. Mon amour, regardez. la voix de Robert. Non, c'est pas le gars qui tient le bistrot au coin de la rue. Robert, c'était cette chanteuse qu'on vient d'écouter, dont on vient d'écouter un extrait, à savoir Colchic, mon amour, qui était sorti sur l'album Princesse de Rien. C'était en 1997. C'était enchaîné avec Autumn's Grey Solace et les morceaux Eclipse, qui étaient sortis sur l'album Riverine en 2005. Et entre les deux, j'ai intercalé un... Non, ce n'était pas un jingle, je précise. Non, c'est... Alors, des fois, c'est vrai qu'on a des jingles un petit peu particuliers qui font rire, ou au moins, pour le moins sourire, nos petits corbeaux qui nous écoutent tous les mercredis soirs. Ou peut-être pleurer. Va savoir, tiens, je vais essayer. Ce sont des gothiques, hein, n'oublie pas. Ils pleurent de rire, comme tout le monde. Et toujours est-il que là, j'ai envie d'intercaler entre ces deux morceaux un poème qui me tient à cœur, un poème de Guillaume Apollinaire. Il en a déjà été question dans cette émission. Et c'était le poème « Les Colchiques » qui était récité par Jacques Duby. C'était au début des années 60. Jacques Duby, rien à voir avec Georges, hein, pour les étudiants en histoire qui éventuellement nous écoutent. Et « Les Colchiques », un poème dans lequel il y a ce vers magnifique « Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. » C'est beau, c'est musical, c'est magnifique comme un solo de John Coltrane. Oui, on peut être gothique et aimer John Coltrane, je vous confirme. Et en tous les cas, donc je m'étais dit que pour cette émission dans la thématique et automnale, eh bien c'était le moment ou jamais de vous passer ce poème. Un petit poème parmi tant de musique, pourquoi pas. Après tout, je sais que vous êtes ouverts à ce genre d'initiative, mes petits corbeaux, chers amis. J'ai eu de très très bonnes réactions sur la chatbox, je me permets de te le dire, notamment certaines personnes qui ont reconnu le morceau que c'était de Robert, donc ça leur a énormément plu. Alors Robert, une chanteuse, tu me fais la transition, je te remercie, une chanteuse au nom déjà un petit peu particulier, au pseudonyme particulier. Il y a Robert, décidément. Oh, bien dans joué. Le domaine gothique, ils aiment beaucoup ce prénom. Hein. Ah ça, c'était là, t'as joué fin, parce qu'effectivement, les Robert, c'est un groupe de la région dont je vous ai déjà parlé, dont je vous reparlerai, et que j'aime beaucoup. Mais ce soir, on parle de la chanteuse Robert, qui, depuis une quinzaine d'années, fait son petit bonhomme de chemin sur la scène indé française, avec un style vraiment très personnel, peut-être encore plus particulier que Mylène Farmer, en tout cas un peu moins commercial, même s'il y a quelque chose d'un peu arty, limite snob dans sa démarche artistique parfois qui me met mal à l'aise. Est-ce que mais... c'est sa petite voix aiguë aussi qui te fait penser un peu à Mylène Farmer avec les petites intonations un peu souffrantes ? Curieusement, non. Non, c'est plutôt au niveau de la personnalité qu'au niveau de la voix. Parce que c'est vrai que moi quand je l'entends, c'est vrai que ça m'a aussi fait penser à Mylène Farmer et je savais absolument pas à quoi elle ressemblait et tu vois, il y a ce petit côté sur la voix un peu cristallin. C'est bien trouvé. Effectivement, elle est capable d'aller dans des aigus un petit peu surnaturels, mais de la même manière, ça peut aussi agacer certaines oreilles, certaines paires de oreilles qui n'apprécient pas forcément, surtout dans la musique gothique où on a plutôt tendance, on a elle plutôt met l'habitude grave. Des graves. Et pour en revenir à Robert, donc elle est connue aussi pour son amitié avec Amélie Nothomb, une autre artiste aussi, qui, ouais, qui a un univers très particulier, c'est un euphémisme. Et ces deux-là d'ailleurs ont collaboré ensemble, on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission de Clair Obscur. Pour ce soir, j'avais envie de vous passer cette chanson, Colchic mon amour, qu'elle a sortie en 1997 et dans laquelle on retrouve une thématique liée au sida, puisque l'amour peut aussi donner la mort de la même manière que manger des colchics peut tuer ou certains enfants ou certaines vaches qui se promènent dans les prés. Il faut préciser voilà, que c'est une plante qui est vénéneuse, donc alors, tout le monde n'a pas l'habitude d'aller brouter de la colchique dans les prés. Mais, Non mais dis-toi que parfois rajouter, comme c'est ce genre de comme les jonquilles, les crocus, c'est une fleur orientale dont est tiré le safran. Je fais ma petite minute culturelle, je m'en excuse, ça va être un petit peu ennuyeux, mais c'est juste pour t'expliquer pourquoi il y a des gens qui mettent des pétales parfois de jonquilles ou de colchique dans les plats pour améliorer un ragoût ou quoi, c'est parce que le plus sincèrement du monde, ils ont cru que ça se rapprochait du safran et c'est comme ça qu'ils meurent d'avoir été trop gourmands. Interdiction de cuisiner ce genre de choses à belle-maman, hein. On précise, on n'y est pas mêlé. Hein. Ah, en tout cas, nous, on ne vous l'a pas dit explicitement. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais ne dites pas, non, mais je l'ai entendu dans Clair Obscur, donc on peut le faire. Voilà, pour m'excuser de cette minute culturelle, je vais faire une minute humoristique. Tu sais quelle est la différence entre une belle-mère et un Rottweiler ? Non, vas-y. Le Rottweiler, lui, au bout d'un moment, il finit par lâcher le morceau. Bah écoute, je vais raconter ça à la mienne quand elle rentre de vacances, elle va être ravie. Voilà, en tout cas, pour le moment, tu vas nous parler un petit peu d'un autre groupe qui lui aussi doit te tenir à cœur, puisque son nom sonne un petit peu comme une confrérie médiévale, et d'ailleurs, le son s'en rapproche un petit peu aussi parfois. Tu parles de Ordo, Rosarius, Equilibrio, qui est un groupe dont je vous avais déjà passé dans Clair Obscur, groupe qui date de 93, assez connu par son côté dark folk, toujours très sombre, voire totalement dépressif par moments. Ils ont fait scandale avec un de leurs albums nommé Onani, donc qui est parler essentiellement de masturbation et autres thèmes un petit peu sadomaso. C'est vrai que ça a quoi fait... Quoi ? Non, rien, je n'ai rien dit. La quoi ? Là, là, rien, là. Non, ça rend sourd, Stéphane, laisse tomber. Distribution de topinambours ? Tout à fait. Non, pour rester sérieux, c'est un groupe qui ressemble beaucoup à Dissin June, donc qui est quand même qui n'est pas n'importe qui. Et ce soir, pour coller à la thématique automnale, même si le mois est passé, j'ai le plaisir de vous passer le morceau Hunting for the Black September. On est en octobre, mais c'est pas grave, c'est dans Clair Obscur. Converge. 7-10. Fin de la minute relaxation avec le beau morceau d'Opium Dreams Estate, The End of Those Autumn Dreams. La minute relaxation, comme je l'ai dit, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Et juste avant, le côté dark folk, assez malsain et toujours prenant de Ordo Rosarius Equilibrio avec Hunting for the Black September. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission, et cette émission qui était ce soir consacrée à une petite thématique opportune, puisqu'on est au mois d'octobre et que c'est la saison automnale. Et faut pas que ça nous empêche de vous annoncer quelques concerts qui, eux, vont vous permettre de vous bouger les fesses. Alors, on commence dès demain soir, jeudi 7 octobre, avec Legendary Tiger Man, qui sera à Montpellier, au Secret Place, donc à Saint-Jean-de-Védas, la salle qui est gérée par la TAF, qui organise l'association Tout à Fond, qui organise de très bons concerts dans la région de Montpellier. Ce sera demain soir, jeudi 7, Legendary Tiger Man. Sinon, le lendemain, du côté d'Avignon, vendredi 8, au cabaret La Seine. Alors, un cabaret plutôt pour les bourgeois en général, mais ils louent leur salle à des associations, et en l'occurrence... Ils louent leur salle à des prolos quand même, un petit peu. C'est la lutte des classes, on est en période en ce moment où c'est chaud au niveau social, donc tu nous en remets une petite couche. Eh bien écoute, tu peux interpréter ça comme ça, mais c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais pourquoi pas. Après tout, vous aurez en tous les cas une soirée pin-up, où notamment vous aurez derrière les platines notre cher ami Pasteur Guy, qui sera pour un mix de musique des années 50, 60, donc vous aurez un petit peu de rockabilly, un petit peu de surf music, un peu comme celle... Est-ce que tu crois qu'il nous mettra encore ces magnifiques vidéos comme certaines soirées? Là, ce sera pas spécialement Pasteur Guy magnifique comme ce que vous avez pu voir l'autre soir au Passager du Zinc si vous étiez au concert qu'on vous en avait annoncé. Mais ne loupez pas une performance de Pasteur Guy, c'est toujours un grand moment de rigolade. Voilà, donc demain, vendredi 8, pardon, au cabaret La Seine, c'est juste derrière le Palais des Papes, à côté de l'hôtel Crillon, vous aurez une soirée pin-up, donc pour vous amuser un petit peu du côté d'Avignon. Sinon, le lendemain, samedi 9 octobre, vous aurez d'une part à Bolène un concert qui est organisé par l'association Dès Demain, qui gère la salle des Passagers du Zinc à Avignon, et qui organise à la salle Georges Brassens à Bolène un concert de Pigalle. Vous savez, par contre, on sait que c'est pas pour les bourgeois, c'est ça ? François Hadji Lazaro, oui, effectivement, surtout dans le contexte politique de la municipalité de Bolène, j'en sais quelque chose, je suis originaire de là-bas. C'est un concert qui va. Bienvenue au club. Qui va un petit peu ruer dans les brancards. Et vous pourrez donc écouter François Hadji Lazaro se produire à la salle Georges Brassens. Quand vous prenez l'autoroute et que vous sortez à Bolène, c'est juste à côté de la sortie, vous ne pouvez pas louper la salle. Et sinon, du côté de Montpellier, le même soir, samedi 9 octobre, vous aurez Stall Arm et Brand Terror qui seront au pub L'Elixir à Montpellier. Vérifiez que c'est bien L'Elixir parce que je ne suis pas très sûr de moi, mais Nathalie vous mettra les liens nécessaires sur le Facebook. Et Stall Arm, qui est plutôt post-punk, et Brand Terror, qui sont plutôt indus, c'est vraiment deux groupes a priori qui n'ont rien en commun, mais qui, j'en suis sûr, feront un très bon concert samedi soir à Montpellier. Voilà, on va se quitter comme à notre habitude avec quelque chose d'un petit peu décalé par rapport aux playlists, mais pas décalé par rapport à la thématique de ce soir, puisqu'il s'agit d'une dame qui était dans une petite robe noire, un petit peu comme toi certains soirs, Nathalie, et qui avait elle aussi beaucoup de charme. À qui veux-je penser? J'avais, je te remercie, ça se paiera, hein. Attends, elle a quand même quelques heures de vol au compteur, la petite demoiselle dont je parle ce soir. J'espère, parce que dis donc, si c'est moi qui avais un petit peu de charme, quelques heures de vol au compteur... Non mais vous avez vu ça, chers auditeurs, elle arrive à trouver le moyen de prendre la mouche... Ah bah oui, il faut que je râle pour la elle forme, sinon c'est pas drôle. Elle a été gentille toute la soirée, et là, elle râle pour la fin de l'émission. Décidément, on peut pas compter sur les nanas. On ne se refait pas, camarade. Mais on peut compter sur les grandes dames de la chanson, même si c'est un petit bout de femme, bout de bonne femme avec lequel j'ai envie de conclure ce soir. Cette phrase peut être interprétée de tas de manières différentes, je l'ai même pas fait exprès. Non, c'est pas grave, hein. C'est la fin de l'émission, on est fatigué, on a fait un concours de bafouille, mais voilà, on finit de manière poétique. Voilà, mais moi, à l'inverse des autres humains, je tombe jamais amoureux au printemps, je tombe toujours amoureux en automne. Donc, mesdemoiselles, le studio se trouve 23 route de Montfavet, et moi, je vous propose de conclure avec Juliette Gréco, avec une version d'un poème de Jacques Prévert, qu'elle a, à mon avis, magnifiquement interprété. Il a aussi été chanté par Yves Montand, par Mouloudji, mais moi, j'ai un faible pour cette petite demoiselle, cette grande dame de la chanson française qui doit faire 1m60 être tout cassé. Et quelques heures de vol, hein, vilain. En attendant, on va vous dire bonsoir. Elle est la preuve qu'à 82 ans, on peut avoir beaucoup de charme et qu'on vieillit très bien quand on est habillé en noir, mes petits corbeaux. Allez, bisous. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada.